شهور السنة يناير janvier فبراير février مارس mars أبريل avril مايو mai يونيو juin يوليو juillet أغسطس août سبتمبر septembre أكتوبر octobre نوفمبر novembre ديسمبر décembre